Sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi ne repose sur rien, si ce n'est sur nous-mêmes, et notre ultime destination est le néant. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Aujourd'hui, à En Contact, nous verrons à quelles conséquences s'expose une personne qui refuse de reconnaître la résurrection corporelle de Jésus-Christ comme un fait réel et historique. Plusieurs personnes considèrent que la décision de refuser ou d'accepter le témoignage biblique de la résurrection n'aura que peu ou pas d'influence sur leur vie présente et future. Mais la vérité tranchante de la parole de Dieu indique clairement que la résurrection de Jésus-Christ constitue la preuve irréfutable de sa divinité. Car seul Dieu peut vaincre définitivement la puissance de la mort. Dans les prochaines minutes, vous entendrez des vérités qui pourraient changer votre vie, car vous apprendrez que le refus de la résurrection comporte de lourdes et durables conséquences. Nous commencerons cette émission en lisant un passage clé sur la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 19. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'apôtre Paul débute ce 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens en abordant le sujet de la résurrection de Jésus-Christ. Nous le rejoignons au verset 12, au moment où il fait face à une objection de taille. En effet, plusieurs membres de l'Église de Corinthe prétendaient que la résurrection n'existait pas. Relisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Pour devenir membre de l'Église de Corinthe, ces personnes avaient accepté de reconnaître que les enseignements de l'apôtre Paul étaient inspirés de Dieu. Nous devons alors nous poser la question, pourquoi cet aspect de la révélation divine, de la résurrection, leur posait-il tant de problèmes? Quelle motivation se cachait derrière ce refus? Pourquoi disaient-ils qu'il n'y avait pas de résurrection? En voici la raison. La Bible décrit dans plusieurs passages que les habitants de Corinthe vivaient dans l'immoralité. Leur philosophie de vie se résumait à peu de choses. Mangeons, buvons et réjouissons-nous, car demain nous pourrions être morts. Et même à l'intérieur de l'Église de Corinthe, plusieurs membres obéissaient encore à ce principe. Leur attitude était de fêter et de se payer tout le bon temps qu'ils pouvaient, car la vie, selon eux, la vie était si courte qu'il fallait en profiter. Ces gens écoutaient les prédications de Paul en lui donnant leur accord tout en niant la réalité de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur disait qu'ils devaient se décider. Ou bien la résurrection existe ou elle n'existe pas. Si la résurrection existe, vous devrez, après votre vie terrestre, rendre des comptes à Dieu. À ce moment, l'idée de manger, de boire et de se réjouir n'a aucun sens, car demain vous pourriez être mort. Or, si la résurrection n'existe pas, vous pouvez manger, boire et vous réjouir autant que bon vous semble, car après cela, tout est terminé. Or, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Si vous croyez en mes enseignements sur la résurrection, vous ne pouvez pas vous adonner à une vie consacrée à la simple satisfaction des plaisirs et des appétits de votre corps. Le fond du problème est simple. Les Corinthiens pensaient que s'ils ne profitaient pas des plaisirs autant qu'ils le pouvaient durant leur vie terrestre, après, il serait trop tard. Cette conception de la vie est bien sûr très étroite, mais encore aujourd'hui, la plupart des gens vivent exactement de cette façon. Voilà le problème sur lequel Paul travaille dans ce passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 12 à 19. Révisons certains éléments de ce passage, en notant les possibilités proposées par l'apôtre Paul et indiquées par un « si ». Verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité », verset 13, « s'il n'y a point de résurrection », verset 14, « et si Christ n'est pas ressuscité », verset 15, « il, en parlant de Dieu, ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point », verset 16, « car si les morts ne ressuscitent point », verset 17, « et si Christ n'est pas ressuscité », et finalement, le verset 19, « si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ ». L'apôtre Paul essaie de faire comprendre aux Corinthiens les conséquences du refus de considérer la résurrection de Christ comme un fait réel et véridique. Reprenons les versets 12 et 13. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Autrement dit, toute la question, tout le problème repose sur un choix. La résurrection des morts existe-t-elle, oui ou non ? Toute la discussion part de cette simple idée. Et puisque certains Corinthiens croyaient que la résurrection n'existait pas, leur conclusion était « profitez de la vie, car elle est trop courte ». Mais l'apôtre Paul suit leur raisonnement en ces termes au verset 13. « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité ». S'il n'y a pas de résurrection, quel impact cela a-t-il non seulement sur la vie de Paul et des Corinthiens de cette époque, mais sur notre vie 2000 ans plus tard? Premièrement, sans résurrection, Jésus est mort depuis longtemps. De nombreux témoins l'ont vu cloué à la croix. Ils l'ont vu expirer pour la dernière fois en s'écriant « Tout est accompli ». Voilà, c'est tout. C'était la fin de Jésus et s'il est mort, nous perdons notre temps. Quel espoir pouvons-nous encore entretenir en Jésus-Christ s'il est mort? Si nous acceptons la possibilité que Jésus soit mort et qu'il n'y a pas de résurrection, même le Fils de Dieu, ou plutôt l'homme qui prétendait être le Fils de Dieu est mort. Écoutons l'apôtre Paul au verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Jésus-Christ est mort, sur quelle base votre espérance de vie éternelle repose-t-elle? Sur le fait que Jésus est mort sur la croix? Rien de plus. Pourtant, deux autres hommes sont morts sur une croix avec lui en ce même jour. Et ils n'étaient pas les trois premiers à périr ainsi sur une croix. Si Jésus-Christ est mort, en quel salut pouvez-vous espérer? Vous ne pouvez prétendre à rien de plus que les adeptes de toutes les autres religions du monde. Ils avancent à tâtons dans la vie, en proie à la peur, l'anxiété et le doute, dans la crainte du jour où ils mourront, car ils n'ont aucune idée véritable de ce qui les attend de l'autre côté. Ils n'ont aucune espérance qui s'appuie sur des faits, car pour eux, personne n'est revenu de la mort pour le leur raconter. Si quelqu'un dit « Je crois en Jésus-Christ, mais je ne crois pas en sa résurrection corporelle », il ne réalise tout simplement pas à quel point sa position est intenable. Car si Jésus n'est pas ressuscité, il n'était rien de plus qu'un prédicateur itinérant parmi tant d'autres. S'il n'est pas ressuscité des morts, que savons-nous de lui? Quelle assurance pouvons-nous avoir venant de lui? Si Jésus-Christ est mort, qu'il est encore mort, nous n'avons aucun espoir et aucune assurance. Ne vous faites aucune illusion. Si vous croyez dans tout le reste de la Bible, si vous croyez que Dieu existe et que Jésus a vraiment existé, mais que vous refusez la réalité de sa résurrection, vous n'avez pas la vie éternelle et vous êtes encore séparés de Dieu. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. point à la ligne. Et d'ailleurs, pourquoi voudriez-vous croire en un cadavre? Or nous, nous avons mis notre confiance dans le Christ ressuscité, qui seul peut nous sauver. Sur qui pouvez-vous dépendre dans le monde pour votre salut, à part le Christ ressuscité et vivant? Il n'existe personne d'autre. Sans résurrection, Jésus est mort, et il n'est en rien supérieur à tous ces autres chefs religieux qui ont vécu et qui sont morts, qui ne sont plus parmi nous et qui ne sont pas ressuscités. Et leurs disciples n'ont qu'une faible lueur d'espoir. Sans résurrection, Jésus est mort, et s'il est un homme mort, nous devrions mettre fin à toutes ces idées de rendre un culte à un homme mort et nous en aller chacun chez soi. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 et 15, l'apôtre Paul affirme « S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas non plus de Christ vivant. » Relisons versets 14 et 15. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Si cela est vrai, cela veut dire que la cause que nous défendons est inutile et sans valeur. Car premièrement, sans résurrection, il n'y a pas de Christ vivant. Deuxièmement, il n'y a pas non plus de parole vivante, car comment pourrait-on trouver une parole vivante sans Christ vivant? Qui est la parole de Dieu? Christ est la parole de Dieu, comme l'affirme l'Évangile de Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et pourquoi est-il si important que nous témoignions de la parole de Dieu? Parce que le Christ vivant, par la puissance surnaturelle de sa résurrection, accorde une pénétration, une puissance et une force qui donnent la vie à la parole de Dieu. Sans résurrection, il n'y a aucun Christ vivant. Et sans Christ vivant, il n'existe aucune parole vivante. Le troisième point soulevé par l'apôtre Paul dans le verset 14 est celui-ci. « Sans Christ vivant, ni de parole vivante, il n'y a pas de foi vivante non plus. » Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 17. Tout d'abord le verset 14. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Sans Christ ressuscité, nous gaspillons notre salive, car il n'y a pas de parole vivante et notre foi n'est qu'illusion. Mais il y a encore pire, verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Sans résurrection, Christ est mort et nous portons un faux témoignage. Nous répandons de fausses rumeurs et nous mentons à propos de Dieu. Versets 16 et 17. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Dieu est omnipotent. Il peut tout faire et il a fait sa large part dans le but de nous procurer la vie éternelle. Mais nous devons répondre à son offre de salut par notre foi en lui. Si nous refusons la résurrection, nous n'avons pas le Christ ressuscité et vivant en nous. Nous n'avons pas la parole vivante, ni la foi vivante. Notre foi est alors sans valeur, vide et inutile. D'un bout à l'autre de la Bible, on nous enseigne à croire dans le Dieu vivant et à lui faire confiance. Mais si nous refusons la résurrection, en quoi ou en qui avons-nous foi? Seulement nous-mêmes. Faut-il se surprendre alors si nous échouons trop souvent et si nous n'arrivons pas à accomplir ce que nous savons être bien? Où est le sens de la vie s'il n'y a pas de résurrection? Dans quel but vivons-nous s'il n'y a pas de résurrection? Quelle est notre destination finale s'il n'y a pas de résurrection? La vie n'est alors qu'une expérience nulle, vide et insensée. Pourquoi endurer toutes ces douleurs, ces tracas, ces épreuves, ces déceptions, s'il n'y a pas de résurrection? Faut-il se demander pourquoi tant de gens se suicident dans une société qui s'est détournée de Dieu? Les gens pensent, je n'en peux plus, vaut mieux en finir. Et si on part de leur logique, ils ont raison jusqu'au moment où ils tirent la balle fatale, où ils prennent leur pilule, car ils se réveillent ensuite dans une éternité où ils doivent rendre des comptes à celui qui leur a donné cette vie, qu'ils ont refusée. Poursuivons maintenant notre lecture au verset 17. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Sans résurrection, il ne reste aucune liberté vivante dans le cœur du croyant. Car sans résurrection, nous sommes prisonniers et esclaves de la domination des forces de la vie humaine. Nous sommes les victimes impuissantes des forces du mal qui contrôlent ce monde dans la vie présente. Ces forces peuvent, dans ce cas, attaquer notre corps, notre âme ou notre esprit, et nous sommes sans défense. Nous ne disposons d'aucune liberté pour le résister. L'apôtre Paul affirme que sans résurrection, nous mourrons dans nos péchés. Comme vous pouvez le constater, croire ou non dans la résurrection exerce une influence considérable sur notre vie chrétienne. Comment pouvez-vous vivre chrétiennement sans la résurrection de Jésus-Christ quand vous allez au lit? Que vous priez et que vous vous levez confortablement dans les bras de votre Seigneur. Quand à ce moment vous réglez, par la confession et la repentance, tout péché que vous avez pu commettre pendant la journée, qu'est-ce qui vous permet alors de vous étendre, de relaxer et de respirer profondément si ce n'est la présence du Christ ressuscité en vous? Si vous croyez en la résurrection de Jésus-Christ, vous croyez qu'en triomphant de la mort, Jésus-Christ a prouvé la validité de sa vie, de son ministère et de sa mort auprès du Père éternel. La résurrection de Jésus-Christ confirme que son sacrifice d'expiation pour nos péchés a été accepté par le Dieu Créateur. Votre âme peut alors trouver le repos, car vous avez l'assurance de votre pardon, non seulement parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, mais parce que Dieu le Père l'a ensuite ressuscité des morts. La présence du Christ ressuscité en vous vous donne l'assurance que vous êtes pardonné et libre. Et comment pouvez-vous être sûr qu'il est ressuscité? Parce qu'il vit maintenant en vous, dans votre cœur, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Si Jésus-Christ est ressuscité, il a réussi, par son sacrifice personnel de substitution, à prendre sur lui tous vos péchés, passés et futurs. Vous êtes maintenant pardonné, non seulement parce que Jésus est mort à votre place, payant ainsi la dette de vos péchés, mais aussi parce qu'il est ressuscité. Jésus est ensuite monté vers le Père, et il se tient à sa droite, intercédant pour vous, jusqu'à son retour sur terre. Or, Paul vous prévient, s'il n'y a pas de résurrection, vous êtes encore dans vos péchés. Cela veut dire que vous êtes encore coupable devant le Père, que vous êtes encore sous la domination et l'esclavage de toutes vos actions mauvaises et désobéissantes envers Dieu. Vous croulez sous cet amoncellement de péchés. Et comment pourrait-on vivre en portant tous les péchés d'une vie? Et pourtant, c'est exactement de cette façon que plusieurs personnes survivent, courbées sous le poids de tant d'années de désobéissance, de rébellion et d'orgueil envers le Dieu Tout-Puissant. Continuons notre lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 18. « Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Cela veut dire que sans résurrection, il ne nous reste plus aucun espoir. Si Christ n'est pas vivant, il n'y a aucune parole vivante, aucune foi vivante, aucune liberté vivante et aucun espoir de revoir un jour nos proches qui sont décédés. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous ne mourrons pas, mais que nous dormirons. Et quand nous nous réveillerons, ce sera pour un jour nouveau et éternel. Or, si vous ne croyez pas à la résurrection, lorsque vous allez au cimetière et que vous regardez votre ami, votre parent, votre femme ou votre enfant descendre dans la fosse, il ne vous reste plus aucun espoir de vie éternelle. À ce moment, il n'y a plus rien après la mort. Sans résurrection, la mort est l'étape finale. Et sans résurrection, ceux qui se sont endormis en Jésus-Christ sont perdus. Ils ne reviendront plus à la vie si Jésus-Christ ne l'a pas fait avant eux. Et malheureusement, beaucoup de gens sont de cet avis. Ils acceptent de croire cela parce qu'ils ne veulent pas comprendre qu'un jour, ils devront rendre des comptes au Dieu Créateur. Mais il y a une résurrection, et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, « Nous sommes pleins de confiance, et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Quand nous en aurons fini de cette vie, nous nous réveillerons directement en présence de notre Seigneur. Notre âme ne dormira pas dans la tombe, car la Bible ne mentionne nulle part le sommeil de l'âme. Quand la Bible parle de la mort comme d'un sommeil, elle fait référence au peuple de Dieu. Elle décrit à ce moment comment le peuple de Dieu fait face à la mort. Pourquoi devrions-nous céder au sentimentalisme lors de funérailles chrétiennes? Cela devrait être l'occasion de glorifier le Dieu vivant, car Dieu a achevé son travail dans la vie de ce croyant et il l'a rappelé auprès de lui. N'est-il pas merveilleux de penser que notre séparation ne sera que temporaire? Or, Paul prend bien soin de préciser que si, au contraire, il n'y a pas de résurrection, tout est terminé. Mais s'il y a une résurrection, rien n'est perdu. Regardons maintenant le dernier verset de l'étude d'aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Car sans résurrection, où se trouve notre joie? Je vous pose la question, votre joie se trouve-t-elle entièrement dans cette vie présente? Si c'est le cas, votre vie est un vrai manège de montagnes russes, pleine de hauts et de bas. Dans la joie, quand les choses vont bien, et dans la tristesse, quand ça va mal. Mais Dieu n'a jamais eu l'intention de nous voir vivre de cette façon, à la merci des circonstances. Nous avons été libérés pour être joyeux et en paix, parce que nous avons le joyeux privilège de porter le Christ ressuscité en nous. Où se trouve notre joie? Elle ne se trouve pas dans les choses ou dans les circonstances, car si elle s'y trouvait, nous pourrions la perdre. Mais notre joie est en Jésus, et dans ces conditions, nous devons nous demander, comment pourrions-nous perdre notre joie? C'est impossible. Si notre joie est en toute autre chose qui existe, vous courez le risque de la perdre. Mais si votre joie est en Jésus, vous en profiterez non seulement dans la vie présente, mais pour l'éternité. Certains pourraient dire, « J'ai Jésus dans ma vie, mais je ne suis pas très heureux. » Or, qui vous parle de bonheur? Moi, je vous parle de joie. La joie surpasse en qualité tout ce que le monde pourrait nous proposer en termes de bonheur. La joie est un sentiment intérieur d'être en règle avec Dieu. Il déborde de tout notre être, peu importe les circonstances de notre vie. Que les choses aillent bien ou mal, notre joie en Jésus-Christ inonde l'homme intérieur et les événements extérieurs prennent une importance secondaire. Cependant, sans résurrection, il n'y a pas de Christ vivant en nous. Il n'y a pas de parole vivante non plus, ni de foi vivante, ni de liberté par rapport au péché. Nous redeviendrions alors comme nous étions avant notre conversion. Le jouet de nos désirs et de nos pulsions multiples et contradictoires. Sans résurrection, il ne réside aucun espoir et surtout aucune joie véritable et durable. À quoi ressemblerait la vie sans Christ, sans Bible, sans foi, sans espoir, sans liberté et surtout sans joie? Pourrions-nous vraiment appeler cela vivre ou au contraire simplement survivre? Si on vous demande donc pourquoi le fait de croire en la résurrection de Jésus-Christ est si important, vous pourrez maintenant donner vos raisons. On pourrait par ailleurs objecter. Je connais des gens pleins d'espoir qui ne croient pas en la résurrection de Jésus-Christ. Alors, posez-leur la question, en quoi mettez-vous votre espérance? Car si Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous pouvons obtenir cette merveilleuse joie et en même temps entretenir cet espoir éternel. Mais s'ils ne croient pas en la résurrection, comment leur espoir peut-il être un espoir éternel? Le seul fondement légitime d'un espoir éternel est de faire confiance personnellement au Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, de croire en son sacrifice de substitution sur la croix et de sa mort expiatoire comme paiement complet de nos péchés et enfin à sa résurrection d'entre les morts. Voilà sur quoi peut reposer le seul et authentique espoir éternel. Car la Bible affirme que « quand je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur, il devient ma vie. » Votre seul espoir est en Jésus-Christ seul. Les conséquences du refus de la résurrection nous motivent à faire nôtre la recommandation finale de ce message. Recevez dès maintenant l'offre de vie éternelle en Jésus-Christ si ce n'est pas déjà fait. J'avais 32 ans lorsque j'ai accepté de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Ou, pour être plus exact, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans son immense pitié, a consenti à se révéler au pauvre pécheur que j'étais. En écoutant cette émission, il m'est revenu à la mémoire un souvenir d'adolescence. Nous avons probablement tous fait cette expérience de biologie qui consiste à passer un courant électrique dans une cuisse de grenouille préalablement démembrée. Vous vous rappelez comment la cuisse remuait et gigotait sous l'impulsion électrique? C'est comme si elle était vivante, mais en réalité, il ne s'agissait là que d'un simulacre de vie, une apparence trompeuse. Voilà à quoi ressemblait ma vie, ou plutôt ma survie, avant de connaître Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Une longue séquence d'ennuis mortels ou presque, entrecoupée de temps à autre d'une stimulation artificielle, futile et fugace. On va voir un film ou un spectacle et hop, on remue. On se tape une petite sauterie bien arrosée avec les copains et hop, on frétille. On ajoute une autre conquête amoureuse à notre palmarès et hop, on gigote. On a du succès à l'école, au travail ou dans une compétition quelconque et la cuisse de grenouille qui nous tient lieu de cervelle réagit avec plaisir pendant un court instant. Tout cela pour éviter de trop réfléchir sur une vie sans but parce qu'elle ne va jamais plus loin que la satisfaction des désirs personnels. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir non seulement accordé la vie éternelle dans l'au-delà, mais de me donner également une vraie vie, ta vie, dès maintenant. Si vous êtes fatigué de frétiller, tournez-vous vers Jésus. Vous avez faim? Vous avez soif? Votre estomac est vide? Votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.